Chez Service financier Jacqueline Doucet, notre mission est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et professionnelle, composez le 418-276-6170. Toute l'équipe de Service financier Jacqueline Doucet est fière d'acheter localement pour protéger nos emplois et notre économie. On va parler de patinage de vitesse sur courte piste. En fin de semaine, c'est la première tranche de la Coupe du monde en Hongrie. On sait déjà que Marianne Saint-Gelais s'est qualifiée pour la quart de finale qui sera présentée plus tard en fin de semaine. Cassandra Baudet a été éliminée en raison d'une chute. On va en parler avec notre spécialiste François-Olivier Robert. Salut François. Allô. François, avant de commencer à parler de la première tranche de la Coupe du monde, on sait qu'on est en pleine campagne électorale. On sait que le maire Labeaume avait promis un anneau de glace couvert au coût de, je pense, c'est 100 millions pour Québec. Actuellement, je pensais que c'était annoncé puis c'était coulé dans le béton ce projet-là. Sauf qu'Anne Guérette a dit cette semaine dans la campagne que si elle était élue, chose qui serait très très difficile, on en doute fort, là, qu'elle mettrait la hache dans ce projet-là. Où s'en est rendu ce projet-là? C'est un projet qui est évalué à un peu plus de 60 millions. OK, je pensais que c'était 100 millions. Non, c'est ça, ça a été descendu. Au début, ça avait été annoncé à 60, ça avait monté à 100, mais là, c'est rendu 60, puis c'est comme ça qu'il était accepté. Le projet est effectivement accepté par les trois paliers de gouvernement. Le projet est commencé dans le sens où il y a des architectes, il y a des concepteurs qui travaillent sur le dossier, qui font avancer le dossier, parce que l'échéancier, c'est que la construction commence au printemps 2018. Donc, il est trop tard, là. Donc, quelques mois. On est déjà avancé. Puis, quand tu dis, je pensais que le coulon était le béton était coulé, ben, il n'y a pas encore la première pelletée, la fameuse pelletée de terre. Okay. Donc, là, quand Anne Guérette dit qu'elle elle reculerait, il y a déjà pas mal d'investissements de fait. Puis, on est déjà avancé dans le dossier. Puis, elle, oui, elle disait ça depuis le début. Mais ce qui est malheureux dans cette histoire-là, c'est que nous, la Fédération, on va se positionner effectivement dans le centre de glace, là, c'est un de nos buts. Elle n'est jamais venue nous rencontrer, Mme Guérette. On l'a invitée à plusieurs reprises à nous rencontrer pour lui expliquer le projet. Parce qu'un des trucs qui est malheureux, quand on parle de un investissement qui n'est pas pour la population, mais qui est pour le sport d'élite, c'est absolument tout à fait pas ça. Le centre de glace, c'est vraiment pour la population de Québec, pour donner des glaces, pour que les gens puissent avoir une place pour patiner. Se positionner contre ça, c'est un peu se positionner contre l'activité physique, puis contre le bien-être. Puis nous, c'est ce qu'on veut faire dans ce place-là. C'est une place où que les gens vont pouvoir bouger à l'année en patin. C'est une place qu'on devrait avoir un investissement côté patinage, c'est bien à Québec puis au Québec. Là. Ah, c'est okay. On a des résultats, les premiers résultats de la Coupe du Monde. Marianne Saint-Gelais s'est classée pour la quart de finale aux 500 mètres. Marianne qui va courir seulement aux 500 mètres. Hein, elle a choisi ça, évidemment, c'est une année olympique, on le rappelle encore. C'est super important. Là. Ouais. C'est quatre Coupes du Monde à cet automne, c'est quatre Coupes du Monde. Puis. Les patineurs, donc c'est un format qui est différent. Là. C'est 1500, 500, 1000 et relais. Okay. Au lieu d'être sur 3 jours, c'est sur 4 jours. Puis comme là, hier, les patineurs ont fait le 1500, le 500. C'est les préliminaires et qualifications. Puis aujourd'hui, c'est le 1000 mètres et le relais, même chose. Préliminaires et qualifications. Puis à partir de la fin de semaine, ça va être les quarts de finale et plus, là, jusqu'au final. Ouais. Les patineurs doivent absolument aller marquer des points pour les qualifications, là, pour qualifier des spots pour les Olympiques. Okay. Puis ce qui est très, très, très important, c'est le relais. Donc, on veut, à la fin de ces quatre compétitions-là, au cumulatif des quatre compétitions, on veut que l'équipe soit dans les huit meilleures, parce que sinon, si on ne se qualifie pas pour les Jeux, on ne pourra pas amener cinq patineurs par sexe aux Olympiques. Donc, les filles se classaient pas pour le relais, mais on pourrait juste avoir trois patineuses au lieu de cinq du Canada. Donc ça, ce serait très, très décevant pour tout le monde. Donc c'est vraiment en phase, oui, sur les distances individuelles, mais le relais est excessivement important. Puis, tu parlais de Marianne, je fais juste le 500. Tu sais, Marianne a eu sa commotion cérébrale pendant les sélections olympiques. Donc elle s'est moins entraînée pour un petit bout. Mais après, c'est, je crois, de ce que j'ai compris, c'est qu'après, elle s'est entraîné beaucoup pour un peu rattraper le retard. Ça fait qu'il avait peut-être les jambes un peu lourdes là, pour ce début de saison. Puis il lui manquait de course pour dire je fais les trois distances. Donc elle a préféré commencer ça avec un programme moins chargé, donc juste pas 500 mètres puis le relais. Puis sans aucun doute que les prochaines compétitions, elle va faire comme les gars, puis elle va faire toutes les courses. Le Kim Moutin fait ça aussi. Donc les trois distances individuelles puis le relais, parce que comme je disais, c'est vraiment important d'aller chercher des points forts pour qualifier les places pour les Olympiques. OK. Cassandra, c'est un malade. Oui, Cassandra, hier, elle est tombée en quart de finale, non, ouais. en qualification du 500. Puis j'ai lu qu'il y avait une chute, il y avait un problème d'équipement, là, c'est peut-être fait briser son équipement lors d'une ouais. chute, là, une autre fille qui avait brisé son patin. Puis aujourd'hui, au 1000 mètres, elle n'a pas passé la deuxième ronde non plus. Okay. Donc, c'est pas son meilleur week-end, mais par contre, c'est sur quatre. Là, pour, quand on parle de qualification olympique, c'est sur quatre week-ends que ça se passe. Donc là, ça, c'est juste le premier week-end. OK. Là, j'ai des... Hey, en parenthèse, une petite question. Un patin, comment ça coûte? Hein? Un patin? Oui. Des patins moulés. Ouais. Puis ça, c'est des bottines qui peuvent garder une ou deux années ou peut-être même plus. Là, d'habitude, les bottines, quand on les aime, on peut les garder quelques saisons. Ouais. Puis ça, c'est peut-être pour les meilleurs, là, on parle de 1500, peut-être même 2000 dans ce coin-là pour des bottines. Okay. Les lames coûtent quoi, 500, 600, 700, quelque chose comme ça. OK. Puis un casque? Pas dire, c'est pas, okay. C'est pas si difficile. Mettons une centaine de dollars. Ah, pas plus que ça. Ok. Hey, j'ai des résultats ce matin parce que ça se poursuit. Évidemment, on a ça sur le web. Donc, c'est sur le 1500 mètres. Il n'y a pas de patineur. Cassandra n'est pas là. J'ai pas vu Cassandra. Non, par contre, Kim Boutin. J'ai vu Kim Boutin dans sa vague. Elle est deuxième, Jamie McDonald, deuxième également. Ça, donc j'imagine qu'il passe à la prochaine étape. Oui, il qualifie, puis ouais. Valérie Maltais aussi se qualifie au 1500 mètres. OK, je ne l'ai pas vu, je ne la vois pas, Valérie. Non, je ne la vois pas sur le tableau là, actuellement, mais peut-être que là, je suis vraiment en direct quand je vois ça. C'est quand même de bon augure. Les gars, ça va être plus tard, j'imagine? Ben ça, c'était le 1500, c'était hier. Puis le 1000, c'était ce matin, c'était fait. Puis les gars ont tous passé au round de quart de finale. Okay. Valérie et Kim aussi ont passé au 1000 mètres au quart de finale. Et Cassandra qui a pas passé. Puis là, c'est bientôt le relais qui va commencer. OK. Je viens d'apparaître le résultat de Valérie. Deuxième dans sa vague, 2:28-2:40. Et celle qui est en première place, ben, c'est une personne qu'on connaît, très bien connue, c'est Aria Fontana, qui est une grande rivale de Marianne, évidemment. Oui. Marianne qui est venue s'entraîner au Québec là, pendant un petit bout. Là, ah oui? OK. Ben, François, on se reparle lundi, pour avoir un gros spécial de patinage de vitesse parce qu'il y a une compétition, je pense, à Rimouski également, pour les plus jeunes. Fait que ça va parler pas mal de patinage de vitesse lundi. Parfait. En fin de semaine, il y a Drummondville et Rimouski, c'est notre circuit provincial, je pense. Puis, la semaine passée, on avait notre circuit Blitz, c'est notre meilleur circuit. La semaine prochaine, donc pas en fin de semaine, l'autre suivante, il y a notre compétition Elite 2 qui est au Centre-Marc.